Emmanuel Macron. Ils étaient environ 2000 élus invités hier soir à l'Élysée. Réforme fiscale et territoriale. Pendant près de 3 heures, le chef de l'État a défendu son bilan et tenté de rassurer via une séance de questions-réponses. Très critiqué pour son absence cette année, il a promis de se rendre au prochain congrès de l'Association des maires de France. Emmanuel Macron qui prévient par ailleurs, il sera intraitable face aux violences qui embrasent la Réunion depuis samedi en marge du mouvement des Gilets jaunes. Magasins pillés, voitures brûlées, forces de l'ordre caillassées, 30 policiers et gendarmes ont été blessés, 109 personnes arrêtées. Un couvre-feu a été instauré. L'Élysée annonce par ailleurs la mobilisation de militaires supplémentaires sur l'île dès aujourd'hui. Pas d'amélioration pour Vincent Lambert. Les experts mandatés par la justice l'ont confirmé, son état végétatif est irréversible. Il n'aura plus d'accès possible à la conscience. Une conclusion qui pourrait faire basculer la bataille autour d'un éventuel arrêt des soins après 10 ans d'hospitalisation suite à un accident de voiture. Son épouse y est favorable, mais ses parents s'y opposent. Les frais d'inscription à la fac n'augmenteront pas, du moins pour le moment. C'est ce que promet le Premier ministre Édouard Philippe après des fuites concernant un rapport de la Cour des comptes. Celui-ci recommandait de multiplier par 4 le coût des droits d'inscription en master, 1000 euros contre 243 actuellement. Pas question pour le gouvernement. En revanche, les étudiants étrangers, eux, devront payer plus cher à partir de l'an prochain. Toujours pas d'accord autour du Brexit. La visite hier à Bruxelles de la première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, n'a pas permis de percer décisive dans les négociations sur le divorce. Madrid menace de bloquer les discussions. Elle s'inquiète du sort de Gibraltar, ce territoire britannique situé à l'extrême sud de l'Espagne. Allez, on passe au sport. Didier Drogba raccroche les crampons. L'ancien international ivoirien l'a confirmé hier. À 40 ans et après avoir disputé une dernière saison sous le maillot de Phoenix, il arrête sa carrière. Passé par la France, l'Angleterre, la Chine et la Turquie, il est le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La météo dans la matinée, la grisaille dominera sur le nord, l'est et le sud-ouest du pays avec des brouillards parfois givrants, notamment sur le centre et la Bourgogne. Le soleil sera rapidement de retour au sud de la Loire, puis sur les Alpes, la Corse et la Provence. L'après-midi, il y aura un risque de pluie en Bretagne et sur les pays de la Loire, puis en fin de journée sur la Normandie et la Côte d'Azur. Les températures, elles sont en légère hausse par rapport au début de semaine. 0 à Belfort ce matin, 1 degré à Calais, 5 à Crozon et Roanne, 6 à Bordeaux, 8 à Avignon et 13 à Cargès. Cet après-midi, on attend 6 degrés au Tréport, 7 à Paris, 9 à Saint-Dizier, 11 à Poitiers et 15 degrés à Albi. 6h02, bonjour à tous et bienvenue dans le double expresso RTL 2. On est jeudi matin, retour des infos dans moins d'une demi-heure. Et tout de suite, on ouvre avec Jane. Voici All Right. To look down at you. Things gonna be up. Double Expresso RTL2. Go! Grégory Hacher et Justine Salmon. Bon réveil avec le Double Expresso RTL2. Bonjour à tous, bienvenue dans la 465e édition du Double Expresso RTL2. Quel plaisir de vous accueillir. Alors, pas de Justine ce matin ni demain, une petite opération, rien du tout, vous en faites pas. Elle sera en pleine forme lundi, on l'embrasse, on sait qu'elle nous écoute, elle vient de nous écrire sur la conversation qu'on a tous ensemble. Mais rendors-toi, tu peux dormir, tu peux roupiller, roupille, profite, tu peux faire la grasse mat. Oh là là là, elle doit être stressée. On est là avec toi. Bah oui, bien sûr, tu penses bien, c'est le jour où elle se fait teindre en brune, ah, c'est oui. Quand même un jour important. Évidemment. Bon, bonjour à toute l'équipe qui va m'épauler ce matin. Bonjour. Bonjour. Jonathan O'Donnell en pleine forme. Ah, en pleine forme. J'ai pris du galon ce matin. Bah, t'inquiète pas, Justine. T'inquiète pas. Il a pris ta place, Justine. Si vous avez vu, je sais pas, Showgirls par exemple, bah, Jonathan, c'est celui qui pousse la concurrente dans l'escalier. Bah voilà, c'est lui. Bonjour à Jérémy qui est à la réalisation. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ah, très très bien. Bon, parfait. Et puis bonjour à Max. Bonjour à toute l'équipe. Aux réseaux sociaux, évidemment, Instagram, Twitter, Facebook. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre. Bonjour Clara au standard jeu d'RTL2, le 3228. Et Anna est également là. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Jules, tout le monde est là. L'info expresso, l'horoscope, le winner, le tout, la brosse à dents. Et puis vous voyez, comme c'est une équipe de copains qui s'aiment bien, avec une pensée pour Justine, et que vous êtes nos copains du matin, on va écouter le générique de Friends. Voici The Round Browns, I'll Be There For You sur RTL2. Bonjour. For You, et ça avait été une des chansons du jour. On se souvient qu'ils avaient composé la chanson sur une demande, parce qu'au début c'était le générique et après ils l'avaient rallongé pour, bah en, oui. faire, pour en faire la chanson. Aujourd'hui c'est Thanksgiving, c'est important pour les Américains, un peu moins pour nous, donc une pensée pour toutes les dindes qui vivent leur dernier instant. Et aucun rapport, parce que dans quelques secondes je vous parle de l'âme sœur. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, sachez que le Becherel est votre meilleur allié. Ah. L'explication dans l'Info Expresso qui arrive à 6h18, les gars, les filles. Et puis on écoutera du son pop rock, Man Bastard. Dennis One dans le Double Expresso RTL2. Bonjour et bon jeudi matin. Écoutez RTL2, we are good news. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory. Écoutez RTL2 et partez à Londres pour le concert de Muse. À tout moment sur RTL2. We love RTL2, the pop rock radio. Nocibé. Incroyable, c'est déjà Black Friday chez Nocibé avec des offres fabuleuses toute la semaine. Aujourd'hui seulement, deux ventes flash à moins 40%. L'eau de toilette Wanty Dazzaru 100 ml et le fond de teint Idol de Lancôme. Oui, moins 40%. Dépêchez-vous. Et à demain pour deux nouvelles offres exceptionnelles chez Nocibé. Nocibé, la beauté libérée. Dans la limite des stocks disponibles, détails en magasin et sur nocibé.fr. Monoprix. We wish you a merry Black Friday. We wish you a merry Black Friday. Et tout plein de promos. Chez Monoprix, le Black Friday, c'est Noël avant l'heure. Profitez de promos exceptionnelles. 30% de réduction immédiate sur toute la mode, toute la déco et sur une sélection de maquillage jusqu'au 25 novembre seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Chez Dell aussi, on fête le Black Friday. Professionnels et particuliers, découvrez nos offres spéciales Black Friday sur une sélection de PC Dell, dont certains avec les processeurs Intel Core 8e génération. Profitez dès maintenant des meilleures offres Dell de l'année sur Dell.fr ou contactez nos conseillers Dell. Parce que chez Castorama, on sait qu'à Noël, il faudra faire des cadeaux à tout le monde et qu'on oubliera sûrement d'offrir quelque chose à sa maison. On s'est dit que le Black Friday, c'était le moment idéal pour y penser. Alors du 21 au 26 novembre, on pense maison. Oui, on s'offre enfin cette tondeuse à gazon. Oui, on donne enfin ce coup de peinture au salon. Les prix Black Friday, c'est du 21 au 26 novembre seulement, dans tous les rayons de votre Castorama et sur castorama.fr. Alors joyeux Black Friday, chère maison. Castorama, c'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. C'est nouveau, Panic at the Disco, High Hopes sur RTL2. RTL2, le son pop rock. Everybody stands as one. We don't care where you come from. You'll never be alone. tenir face au CRS. Une main tendue et c'est tout ton pays qui se réveille. Faut qu'on se bouge pour que nos gamins s'émerveillent. Alors on se rassemble sans savoir si on se ressemble. Comme un seul peuple, un seul homme, le regard fier et les mains qui tremblent. Ces graines qu'on sème pour toute une vie, à toutes ces secondes qu'on apprécie. Hey, hey, hey. Sur RTL de Stand As One. L'info expresso RTL 2. Première info expresso du jour à 6h17. Bonjour d'ores et déjà. Alors vous savez l'écrire d'ores et déjà? Oui, je sais l'écrire. Oui. C'est tout ce que je réponds. Oui, je sais l'écrire. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai trouvé une étude sur Adopt un mec, vous savez, le fameux site de rencontre. Oh oui. Et quoi, oui. Oh, on connaît, bon. Ah, oui, oui. Bon, et bien sachez, en tous les cas, que si vous faites des fautes d'orthographe, vous avez moins de chances de séduire la jeune femme de vos rêves. Ah, c'est sûr. Le salut, ça va, S-A, plus loin, V-A, le ça, qui se transforme de C-C-D-A en S-A, par exemple, c'est rédhibitoire. Parce que l'étude prouve que si vous voulez plaire à une femme, vous avez plus de chances de lui plaire, évidemment, si vous écrivez un message sans faute et sans abréviation. 6 chances sur 10 d'être retenu par la destinataire. Alors que si vous avez fait des fautes, c'est 3 chances sur 10. Ah oui, ça divise par 2 quand même. Hein. Ah bah bravo, t'as fait maths, t'as en plus d'avoir fait l'orthographe. Impeccable. Les messages truffés de fautes, maladroits, les abréviations, ça ne marche pas vraiment, évidemment. Alors c'est un peu un paradoxe, parce que le chiffre est assez alarmant, mais sachez que les fautes d'orthographe ont augmenté de 68% en 30 ans. La faute aux messages SMS, téléphone portable, l'eau, messagerie, évidemment mail, voilà, ce genre de choses. Donc sachez-le, si vous voulez plaire même sur les applications de rencontre, il faut absolument éviter les fautes d'orthographe. Moi je sais que ma femme m'avait dit à l'époque, ça m'avait plu quand on échangeait beaucoup de mails, de pas que je ne fasse pas de fautes. Bah oui, mais les gens ils croient trop que c'est facile aussi, hein, on fait comme on peut. Hein. C'est qu'il y en a la moitié dans le studio qui ont dit bah y a pas de faute à y croire. Bon, on vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL. Petit conseil, voici Green Day. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Boulevard of Broken Dreams dans le double expresso RTL2. Il est 6h22, voici l'horoscope de ce jeudi 22 novembre. Allez, je vous laisse faire avec moi. Oui, et on commence avec les médailles de bronze, Greg. Ah, c'est bien, Max. Les béliers, arrêtez de stresser à la moindre occasion, cela ne sert à rien. Les cancers, il est temps de vous réconcilier avec vos proches. Et puis les capricornes, vous dépensez beaucoup d'énergie au travail, levez le pied. Médaille d'argent, Greg. Ok, Jonathan, les taureaux, vous êtes très drôles aujourd'hui, faites en profiter votre entourage. Les gémeaux, la chance est décidée à vous sourire en ce moment. Les lions, vous n'avez pas de temps à perdre avec les critiques. Les vierges, aujourd'hui, votre humeur est au beau fixe. Les scorpions, votre absence se fait toujours ressentir. Bah, c'est bon signe. Les sagittaires, au travail, vos efforts sont particulièrement remarqués. Les verseaux, vous avez repris confiance en vous. Votre attitude est positive. Et puis, dernière médaille d'argent, les poissons, vous êtes d'humeur à gâter vos proches. N'hésitez pas. Médaille d'or du jour, allez pour, si vous avez suivi. Les balances. Oui, les balances, bien joué. Aujourd'hui, personne n'arrivera à vous contrarier. Vous êtes décidé à passer une excellente journée et c'est tant mieux. Évidemment, il n'avait pas suivi, il avait la feuille sous les yeux. Précise. On va prévenir ses parents qu'il ne croit pas que Jonathan est soudainement devenu un génie de la bande FM. Voici les No Marlin Sitting Down Here dans le double expresso. Bonjour. Defending all against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple, but somehow it gets to you. But I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Often I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. À 6h26, je vous annonce qu'on va jouer avec Bruce Springsteen. Il sera avec nous à 6h45 pour le tube de la brosse à dents RTL2. On va vous offrir un séjour en famille au Futuroscope. C'est maintenant, là, maintenant, tout de suite qu'il faut appeler Clara au standard jeu d'RTL2. Elle vous sélectionnera peut-être, tirage au sort évidemment. On jouera ensemble à 6h45. Et puis du son pop rock, Jérémy Adel par exemple. Ouais, c'est bien. ça. Set fire to the rain pour bien commencer la journée. Et il y aura également le premier winner du jour à l'approche de Noël. Vous savez, les enfants commandent de nouveaux jouets au Papa Noël. Ouais, oui. Comme vous. Et bien, notre prochain winner à 6 ans, il fait tout le contraire de sa liste. À tout de suite sur RTL2. RTL2 Pictures present Francis Zégut. Dans un monde sans guitare, il rôdait sur les routes des Hauts-de-Seine et du Dakota. À la recherche de pépites et de nouveautés, il a toujours gardé l'instinct, son instinct de pop-rock station. Don't stop me now! Des basses, des batteries, des mélodies. La musique pop-rock by Francis n'a pas de prix. Entertainment! Vous ne mourrez jamais! Tous les soirs, 22h minuit, Pop Rock Station by Zégut sur RTL2. Zégut, le film. Merci madame, bientôt sur vos écrans. Leclerc. Chérie, vendredi chez Leclerc et vendredi seulement, 40% de tickets Leclerc sur des télés LG et Samsung. 40% sur des télés LG et Samsung. Deux très grandes marques de télé. C'est ça, le Black Friday chez Leclerc. C'est le Black Friday chez Leclerc. Et vendredi 23 novembre, vous bénéficiez de 40% en tickets Leclerc sur une sélection de téléviseurs LG et Samsung. Offre non cumulable avec d'autres produits de la même gamme bénéficiant d'une autre réduction immédiate ou d'un ticket Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.blackfriday.leclerc. Voilà, joyeux Black Friday. La Black Friday Week, c'est maintenant sur Amazon, avec des ventes flash pour toutes vos envies. Pour préparer les fêtes, acheter des cadeaux pour vos proches ou tout simplement pour vous faire plaisir, laissez-vous tenter. Profitez de prix bas et de la livraison gratuite sur des millions d'articles. La Black Friday Week sur Amazon, c'est jusqu'au 26 novembre. Livraison gratuite en France à partir de 25 euros d'achat d'articles éligibles, expédiés par Amazon. Voir les conditions sur Amazon.fr. RTL2. La Faute, votre nouvelle série à suspense sur M6. Lisa et Claire sont amies, même si tout les oppose. Un jour, la fille de Claire disparaît, alors que Lisa en avait la garde. Retrouve-la. Parfois, la négligence est pire que le crime. La Faute, avec Valérie Carcenti et Natasha Lindinger, c'est ce soir à 21h sur M6. Chez Corsair, le Crazy Friday, on le voit plutôt teinté d'eau turquoise, de montagnes vertes ou encore de plages dorées. Canada, Côte d'Ivoire, Océan Indien, Antilles et une nouvelle destination, la Floride avec Miami. Rendez-vous vendredi 23 novembre sur Corsair.fr pour découvrir tous nos bons plans. Corsair, voyager, découvrir, partager. Teva vous embarque ce soir pour un road trip libérateur et ludique sur les routes du plaisir féminin. Un documentaire étonnant sur la sexualité des Françaises, avec des témoignages savoureux et émouvants de femmes de 19 à 75 ans. Alors, que font les Françaises au lit? Réponse ce soir à 20h50 sur la chaîne Teva. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô, allô, patron. T'as la banane, toi, dis donc. Ah, bah non, c'est plutôt Lidl qui l'a. Demain et après-demain, ils nous font un kilo de banane à 99 centimes. 99 centimes le kilo de banane? Mais ils nous prennent pour qui? Pour des bananes, patron. Tu crois que c'est le moment de faire tes blagues à deux balles? À deux balles? Ah non, 99 centimes le kilo, patron. Oh, on est mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie extra, variété Cavendish, calibre P20, origine Afrique, Amérique centrale ou Antilles française. Vendu en vrac. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Il est 6h30, c'est le double expresso RTL2 avant Police et Adèle, vos infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Carlos Ghosn sur la sellette. Le conseil d'administration de Nissan se réunira dans quelques heures pour limoger son président. Arrêté à Tokyo pour des soupçons de fraude fiscale, il est toujours en garde à vue ce matin. A noter par ailleurs qu'un actionnaire de Renault a déposé plainte hier à Paris. Il reproche à Carlos Ghosn la chute du titre en bourse de la marque aux losanges depuis son arrestation et demande réparation pour abus de biens sociaux et diffusion de fausses informations. Le rappel à l'ordre d'Emmanuel Macron, il sera intraitable face aux violences qui embrasent la Réunion depuis samedi en marche du mouvement des Gilets jaunes. Magasins pillés, voitures brûlées, forces de l'ordre caillassées. 30 policiers et gendarmes ont été blessés et 109 personnes arrêtées. Un couvre-feu a été instauré. L'Élysée annonce par ailleurs la mobilisation de militaires supplémentaires sur l'île dès aujourd'hui. Deux nouvelles inquiétudes autour des implants mammaires. Cette fois, ce sont les prothèses dites texturées qui sont sur la sellette. Il existe aussi des prothèses lisses. Depuis 2011, 53 cas de cancer liés à ce type d'implants ont eu lieu en France. L'Agence nationale de sécurité du médicament va se prononcer sur leur possible interdiction. Toujours pas d'accord autour du Brexit. La visite hier à Bruxelles de la première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, n'a pas permis de percer décisive dans les négociations sur le divorce. Madrid menace de bloquer les discussions. Elle s'inquiète du sort de Gibraltar, ce territoire britannique situé au sud de l'Espagne. Amazon, victime d'un bug informatique. Le géant du commerce en ligne a révélé qu'un bug avait divulgué accidentellement sur son site internet les noms et les adresses mail de certains de ses clients. Ces derniers devraient en être informés. Une annonce qui fait un peu tâche à la veille du Black Friday. Je vous confirme. Les sports en basket, les Français joueront l'Euro 2019. Ce sera fin juin en Lettonie. En Serbie, les Bleus se sont qualifiés en battant la Slovénie 88-44 à l'occasion de leur dernier match des éliminatoires. Elles terminent première de leur groupe. Et puis en tennis, le tirage au sort de la finale de la Coupe Davis entre la France et la Croatie aura lieu ce midi. On connaîtra les choix définitifs de Yannick Noah pour les matchs simples. Il va devoir choisir entre Tsonga, Lucas Pouille et Jérémy Chardy. La météo dans la matinée, la grisaille dominera sur le nord, l'est et le sud-ouest du pays avec des brouillards parfois givrants, notamment sur le centre et la Bourgogne. Le soleil sera rapidement de retour au sud de la Loire, puis sur les Alpes, sur la Corse et la Provence. L'après-midi, il y aura un risque de pluie en Bretagne et sur les pays de la Loire, puis en fin de journée sur la Normandie et la Côte d'Azur. Les températures ce matin, il fait 0 à Haguenau, 1 degré à Reims, 2 à Vendôme, 3 à Paris, 6 à Espelette, 9 à Draguignan et 13 à Lille-Rousse. Cet après-midi, le mercure va légèrement remonter par rapport à hier. On attend 6 degrés à Maubeuge, à Rennes et à Chalon-sur-Saône, 11 à Clermont-Ferrand et 14 à Narbonne. Merci beaucoup, retour des infos dans moins d'une demi-heure dans le Double Expresso RTL2. Et comme promis, avant le winner du jour, c'est Adèle, Set Fire to the Rain sur RTL2. Magnifique d'Adèle, Set Fire to the Rain sur RTL2. Le double expresso RTL2, le winner du jour. À 7h25, je pose la question à l'équipe du double expresso RTL2. Qui est là dans un tout petit peu plus d'un mois? Le Père c'est Noël. Ben oui, c'est le Papa Noël. Oui. Il arrive, le Papa Noël. Ah, chante pas. Hommage, bah, hommage à Justine Selman, tout en yaourt. J'ai trouvé sur combini.com une histoire trop mignonne. C'est trop bien. Bon, pour ceux qui aiment le foot, samedi prochain, c'est la finale retour de la Copa Libertadores. Ah, si vous voulez, une sorte de finale de Ligue des Champions en Amérique du Sud. Avec deux clubs argentins qui sont des ennemis, alors comme on peut l'être dans le foot, deux clubs légendaires, River Plate et Boca Juniors. C'est le match retour, il y a eu match nul à l'aller. Et le jeune Renzo, il ne veut louper ce match pour rien au monde. Là où c'est mignon, c'est que Renzo, il a 6 ans. Et normalement, à cette période, on fait sa liste de cadeaux au Papa Noël. Ah bah oui. Et bah lui, il fait l'inverse. Il vend ses jouets pour pouvoir se payer une place. Oh, oh bah voilà. Comme dirait Justine, c'est beaucoup trop mignon. Du coup, comme vous, le monde entier était ému, des groupes de supporters ont été émus et il a réussi à obtenir 2 places grâce à des groupes de supporters qui l'ont convié, lui et sa maman, pour assister à ce match de foot. Du coup, il pourra y aller, il n'aura pas besoin de vendre ses jouets. C'est quand même trop chou, non, comme histoire. Ça devient un winner tout mignon. Moi, j'aime bien. À son âge, franchement, j'aurais fait pareil, j'aurais vendu mes jouets. Hein. Mais bon, j'avais pas de jouets. Donc... Ah oui, bah, t'étais malheureux. Ouais, voilà. Tu veux qu'on en parle? Tu veux t'allonger sur le sofa? J'avais une orange. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu prends tous les cadeaux qui traînent dans l'open space. C'est ça. Quel voleur ce Jonathan Donnel. On vous poste cette histoire trop mignonne sur la page Facebook du Double Express ou RTL2. I'll be watching you. Every Breath You Take dans le double expresso RTL2 à 6h41. Bonjour. Et puis bon, jeudi matin, c'est le 22 novembre aujourd'hui. On va jouer à la brosse à dents avec Bruce Springsteen, le tube de la brosse à dents RTL2. Qui connaît le numéro de téléphone? 3228. Ah, vous le faites en stéréo, c'est impeccable. 3228. Vous nous appelez maintenant. On vous offre un séjour en famille au Futuroscope. C'est un super cadeau à gagner seulement dans le tube de la brosse à dents RTL2. Puis on écoutera Jacob Banks. Pour un réveil assez tranquille avec Unknown dans le double expresso RTL2. A tout de suite. Boulanger. Le match commence dans moins d'une minute, j'ai trop hâte. Ah ouais, moi aussi. Vas-y, allume l'ordi. Ça va, on a le temps. L'ultra portable Acer Swift 3 SF314 s'allume en quelques secondes. Commandez-le en ligne, il est prêt en une heure en magasin. Boulanger, si bien ensemble. L'Acer Swift 3 SF314 14 pouces avec processeur Intel Core i5 est à 599€ chez Boulanger. 36 centimes d'éco-participation. Conditions en magasin et sur boulanger.com. Intersport. Thomas a toujours eu du mal avec le mois de novembre. Ouais, quand il fait moins de 20 degrés, moi je sors plus. Mais depuis qu'il a profité des remises exceptionnelles du Black Friday... Il fait 5 degrés, c'est cool, je m'habille et je vais courir. Chez Intersport, du 19 au 25 novembre, c'est le Black Friday. Grâce à votre carte Intersport, profitez de moins 30% sur les vêtements et les chaussures. C'est 30% de réduction et 100% d'activité sportive en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. On ne choisit pas ses voisins. Certains semblent préparer un mauvais coup. D'autres viennent d'une galaxie lointaine, très lointaine. Et d'autres qui frappent trop souvent chez vous. On ne choisit pas ses voisins. Mais avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Ce Noël, retrouvez L'Ami Prodigieuse saison 1, Star Wars Les Derniers Jedi sur Canal+, et Jumanji sur OCS à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Le son pop rock RTL2 vous accompagne partout avec l'appli RTL2. Cause I won't see. 8h46, on vous souhaite un bon jeudi matin et bonne fête aux Cécile et à ses dérivés. Azilise, Cécilia, Céciliane, Cécilie, Céciline, Célie, Célia, il doit y en avoir d'autres. Ah oui. Wow. Ça dérive hein, chez les Céciles. C'est le prénom avec le plus de dérivés. C'est déjà commencé. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured. Tell me you've been betrayed. What I've done to you. Even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Look at all this heartache. What is left? Forgetting how we started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been touching. Banks Unknown sur RTL2. RTL2, le tube de la brosse à dents. Et ce matin, Olivier est parmi nous. Bonjour Olivier. Bonjour Grégory. Comment ça va? Très bien, heureux de vous avoir. Bah ouais, mais plaisir partagé. Vous êtes à Roquebrune-sur-Argent, c'est ça? Dans le Var. Vous nous écoutez sur 93.0, 93 FM si vous préférez. Vous partez au boulot, vous partez au collège, vous? Ça y est, on y est déjà. Ah, je commence à 6h, ouais, je travaille. Alors, je parle de collège. Olivier est un adulte, mais Olivier est cuisinier pour les élèves. Merci de les nourrir. Hein, bravo. Bravo, félicitations. Je croyais qu'il avait beaucoup redoublé. Non. Olivier cuisine. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie en général? Tiens, par exemple, on est à deux jours du week-end. Vous avez prévu quoi? Là, s'il pleut pas, on va essayer d'aller aux champignons un petit peu. Ah ouais, d'accord. Très bonne idée. Avec les enfants, c'est pas mal. Bah oui, les enfants, ouais, voilà. Ça serait plutôt pas mal. Je vous présente celui qui est resté un grand enfant. C'est Bruce Springsteen. Et celui qui n'a pas de champignons aussi. Hein, bonjour mon Olive, comment ça va? Très bien, merci. En forme? Oui, en forme. Ok, j'espère que vous êtes chaud. Je vais bientôt y aller. C'est parti. Celui qui n'a pas de champignon. Ben oui. Possible. Allez, vas-y, brosse. C'est à toi pour gagner un séjour au Futuroscope. Alors. J'ai entendu derrière. Allez! Les Parisiennes. Mais ça, c'est un bout de chanson. C'était Léa de Louise Attaque. Louise Attaque, ouais. Elle est pas présentable. Oui, je suis désolé, non, mais elle est pas parisienne. Oui, c'est dedans, mais voyez, c'était pas le titre de la chanson. Bon, Olivier, on va quand même vous offrir le mug du double expresso RTL2. On va aussi vous offrir le calendrier de l'Avent Playmobil qui est offert par Jouet Club avec ses petites 24 fenêtres prémontées pour créer une mise en scène complète jusqu'à Noël. Ça, c'est quand même un beau cadeau. Et puis également une imprimante Kodak Printer Dock qui va vous permettre d'imprimer instantanément les photos de votre smartphone ou votre tablette. C'est vachement bien ça. Hein. Vous pluguez ça directement Ça imprime directement. C'est un très beau cadeau et c'est pour vous. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, Olivier ? Un double expresso. RTL2, le double expresso. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas seule sur Terre, elle est pas commode, non, elle est pas commode, elle est pas froide, elle est pas chiote pour une nuit réaliste, elle est pas créditeur, elle est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire, ou elle est pas comme ma mère, elle est pas sagère, elle est pas pacifiste, elle est pas d'accord, elle est passionnée, elle est pas fut-fut, ou elle est pathétique, elle aime pas tout métique, elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est pas récieuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas de la région PACA, ouais, la case envolée. Léa, elle est parisienne, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus, elle est pas toujours drôle, elle est pas libre, elle est pas tentée, elle est paternaliste, elle est pas inspirée, elle est patiente, elle est pas sticheuse, elle est pas cible, elle fait pas la politique. Léa, les parisiennes, les pas présentables, les pas jolies, elle est pas moche non plus. Les pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite, elle a pas volé. Les pas sing shot, elle est pas stand, elle est pas stable, elle est pas stable, elle est pas partout, elle dit qu'elle part. Papa sortable et sage, où les papas déjà dit quelle parisienne, elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Les parisiennes, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Louise Attaque et ce grand classique Léa, oh, ça me rappelle mes années de fac, ça me vieillit, on voit. Le double expresso RTL 2, ouais. Le top 3 de Jonathan O'Donnell. Lui aussi il a connu la fac, on dirait pas, mais il a connu la fac aussi, c'est Jonathan O'Donnell. Bonjour Jonathan. C'est vrai que je suis pas mal diplômé, tu peux le dire en effet. j'ai pas dit ça, comment ça va? Bonjour à tous, ouais, ça va super. Bon, une info société pour démarrer. Ouais, on revisite l'actu. Eh oui, selon une étude américaine, le smartphone occupe une place plus importante que la nourriture dans notre vie. Hein? Ouais, alors pour moi c'est vrai, pour Greg je dirais les deux ex-aequo quand même. Oui, faut pas pousser bien sûr. Surtout l'hiver, attention. Ouais, hein, surtout en ce moment. On reste aux États-Unis, un ascenseur a chuté de 84 étages avec 6 personnes à l'intérieur, heureusement sans faire de blessés. Mais 84 étages quand même. Oh là là. Arrivé en bas, ils ont été accueillis par Steven Spielberg. Il leur a fait signer un contrat d'exclusivité pour son prochain film. Il a dit, oh là. Tout ça, ça reste entre nous. Mais t'imagines chuter de 84 étages? C'est énorme. Toi, Jules, qui prend jamais d'ascenseur, notre coordinateur d'antenne, t'es content? Pleuré. Bah oui, t'étais pas bien. 84 escaliers, Jules, t'imagines? Il était en PLS sur le sol du bureau. Et toujours aux États-Unis, on reste là-bas pour finir. Donald Trump a gracié une dinde de Thanksgiving devant ses petits-enfants à la Maison Blanche. Camoulox. Et ouais. Du coup, hein, les Mexicains savent ce qu'ils ont à faire hein, pour obtenir des papiers. Hein. Faut glousser. Voilà, tout simplement. Et hop, une carte verte, c'est parti. Merci Jonathan, à tout à l'heure, 8h55, tu restes dans l'émission évidemment. Yo Delis, Sunday with a Flu. Et il y aura également Prince, les Cranberries et Muse, c'est ça le double expresso RTL2, bonjour. Monoprix. Toute la mode est à petit prix, toute la déco est à petit prix, c'est Black Friday chez Monoprix, n'attendez pas Noël, offrez. Jusqu'au réveillon, sur tout le cachemire, il y a moins 30%. Ce qui est sûr, c'est que d'ici Noël, ce sera toujours à la mode. We wish you a Merry Black Friday. We wish you a Merry Black Friday. We wish you a Merry Black Friday. Et tout plein de promos. Chez Monoprix, le Black Friday, c'est Noël avant l'heure. Profitez de promos exceptionnelles. 30% de réduction immédiate sur toute la mode, tout le cachemire, toute la déco et sur une sélection de maquillage jusqu'au 25 novembre seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Fnac. À tous les curieux, c'est le Black Friday Fnac. Dès 17h, profitez d'offres exceptionnelles et en avant-première dans votre magasin Fnac. Une soirée privilège, exclusivement réservée à nos adhérents. Fnac, c'est bon d'être curieux. Offre réservée aux détenteurs de la carte Fnac ou Fnac Plus, voire conditions en magasin. Fnac. Intermarché vous propose d'écouter 23h45. Jusqu'au 2 décembre, le paquet Megapack de 86 couches Pampers Baby Dry taille 4 est à seulement 23,45€ avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Existe en différentes tailles, modalités et magasins participants sur intermarché.com. RTL2. Mesdames et messieurs, notre bus commence doucement sa descente vers la plaine du Black Friday. Ouvrez bien l'œil, c'est ici que vivent les smartphones à prix cassé. Et avec un peu de chance, on pourra peut-être... Oh, regardez là ! On en voit déjà un ! Et là, un autre qui pointe le bout de sa coque ! Bon, la traversée ne dure que 7 jours, alors on va vraiment en profiter à fond. Ouvrez les fenêtres et sortez les filets ! Pendant le Black Friday chez SFR, du 19 au 25 novembre, c'est la semaine pour s'équiper. Profitez d'une sélection de mobiles à prix cassé. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions. Vous êtes abonné à un club de gym, on ne vous y a pas vu depuis 3 mois. Vous êtes abonné à des magazines, vous les feuilletez à peine. Vous êtes abonné à 153 chaînes, vous en regardez 2. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile? Nespresso lance l'abonnement. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso, what else? What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Esteban demande à l'accueil du magasin. Il y a encore des tickets d'or? Oui, on a mis en jeu 5000 nouveaux tickets d'or de 250€ carte U. Avec votre carte U, vous recevez un ticket à gratter à partir de 25€ d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6? Non. Si, 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de réaliser qu'aujourd'hui, c'est Black Friday chez Kiabi. C'est le Black Friday chez Kiabi. Pendant 5 jours seulement, profitez de moins 30% sur l'ensemble de nos collections. Exactement, moins 30% sur des milliers d'articles, en magasin et sur kiabi.com. Le Black Friday par Kiabi, du 21 au 26 novembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Conditions, magasin et kiabi.com. Bonjour à tous et bon jeudi matin, il est 7h. Ne sont pas rares,

Mieux des 10 sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL2. Il est 7h05, bonjour à tous, bonjour l'équipe. Bonjour. Alors autant vous le dire, pas de Juju ce matin, pas de Justine Salmon, elle n'est pas là aujourd'hui et demain, elle reviendra lundi. Petite opération, vous en faites pas, tout va bien, on lui transmet vos messages, évidemment, c'était prévu, pas de panique. Elle sera là lundi dès 6h, mais nous on est ravis de vous accompagner aujourd'hui jusqu'à 9h comme chaque jour dans le double expresso RTL2. Et moi j'ai voulu faire plaisir à mon patron, je vais vous faire plaisir à mon boss qui m'a dit, écoute, tu nous coûtes cher en études à chaque fois avec tes chiffres dans le double expresso RTL2, trouve-en une et puis balance-la tout au long de la semaine. Donc je poursuis avec mon étude des Français de la musique. Ah. Hein, je vous ai déjà dit le pourcentage de Français qui travaillaient avec de la musique, le nombre de Français qui chantaient sous la douche. Bah là, j'ai encore un petit chiffre. Ah voilà, du qu'est-ce coup, que c'est? Bah, il est content, je suis allé au bout de l'étude. Hein. C'est le dernier par contre. Hein. Après, il faudra en trouver une autre étude. Bon, sachez que 4 Français sur 10, vous qui nous écoutez, nous, tout le monde, 4 Français sur 10 vont à des concerts au moins une fois par an. C'est-à-dire que vous êtes près de plus de 40% à aller à un concert au moins une fois dans l'année. Ça me semble correct. Tout le monde va à un concert ici, a priori. Pour nous, avec RTL2, on est gâtés, évidemment, on vous y invite souvent. Ben voilà, 4 Français sur 10 vont à des concerts. Vous en parlerez tout à l'heure à la machine à café pour savoir si vos collègues y vont, par exemple. Tiens, lui, c'était un des plus grands concerts de ma vie. On va l'écouter ce matin dans le double expresso RTL2. Oh, c'était dingue. Prince Kiss sur RTL2. Oh, Kiss. Prince, c'était Kiss dans le double expresso RTL 2. Je vous disais, 4 Français sur 10 vont à des concerts au moins une fois par an. Alors si c'est un concert de Lauryn Hill, ça va tomber à 1, hein, en précision. Elle était en concert une nouvelle fois à l'Accor Hotel Arena hier. Elle était arrivée à 22h au lieu de 22h30. Ça va. On avait évoqué le sujet hier. On a fait un point Lauryn Hill une nouvelle fois ce matin. Voilà, toujours un petit peu de retard. Oh, 2h. C'est va. Dans ses habitudes hein, d'arriver à la bourre à chaque fois. Oui, mais c'est pas dans nos habitudes de payer pour pas avoir un concert. Ah non, c'est ça genre non. De truc incroyable. Les Cranberries, When You're Gone. On pourrait se faire un point Lauryn Hill régulier dès que quelqu'un a un peu de retard. Tiens, on appelle ça vraiment le point Lauryn Hill. Oh, je suis à la bourre. Ouais, ça marche bien. Et puis l'info expresso, dans un instant, je vais vous parler d'une association qui se sert des pires défauts de l'être humain pour recevoir des dons. C'est pas mal. Ah. C'est très intelligent comme campagne et ce sera l'info expresso du jour. A tout de suite sur RTL 2. C'est le Black Friday, fête de bonnes affaires. Monoprix. We wish you a merry Black Friday. We wish you a merry Black Friday. Chez Monoprix, le Black Friday, c'est Noël avant l'heure. Profitez de promos exceptionnelles. 30% de réduction immédiate sur toute la mode, tout le cachemire et toute la déco jusqu'au 25 novembre seulement. Monoprix, voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Parce que chez Castorama, on sait qu'à Noël, il faudra faire des cadeaux à tout le monde et qu'on oubliera sûrement d'offrir quelque chose à sa maison. On s'est dit que le Black Friday, c'était le moment idéal pour y penser. Alors du 21 au 26 novembre, on pense maison. Oui, on s'offre enfin cette tondeuse à gazon. Oui, on donne enfin ce coup de peinture au salon. Les prix Black Friday, c'est du 21 au 26 novembre seulement, dans tous les rayons de votre Castorama et sur castorama.fr. Alors joyeux Black Friday, chère maison. Castorama. C'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. L'instant d'Arty. Hey, salut! Comment ça va aujourd'hui? Oh bah super! Comme un Black Friday! Dès 17h, c'est le Black Friday dans les magasins d'Arty. Soyez les premiers à découvrir nos offres exclusives sur les plus grandes marques. Liste des magasins participants sur darty.com. Black Friday, vendredi fou. Tous les jours, partout en France. RTL 2, le son pop rock. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. Buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down the country lane, singing to time. réveil 6h-9h, le double expresso RTL 2. Expresso RTL de When You're Gone, il est quasiment 7h20. L'info expresso RTL 2. C'est quelque chose d'assez étonnant et je voulais absolument vous en parler ce matin dans l'info expresso. Déjà, c'est l'association Planète Enfants et Développement. Donc, quand les gens font des choses bien, il faut qu'on en parle. C'est extrêmement important. On n'est pas toujours obligé d'être dans la déconnade la plus ultime. On peut être aussi dans l'info utile, dans le soutien. Et là, il se trouve que c'est pour une association et qu'en plus, la campagne de com est particulièrement réussie. L'idée, c'était de jouer la provoque pour faire passer un message fort et sensibiliser le grand public. Et ça a fonctionné. La preuve, c'est que je vous en parle ce matin. C'est donc l'idée de l'association Planète Enfants et Développement qui a choisi de s'adresser directement aux personnes radines, égoïstes, méprisantes et raciste. Donc c'est pas pour nos auditeurs. Non, hein, du coup, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, mais via une campagne décalée baptisée « Mauvaise raison de donner ». Je trouve ça assez malin, je vous explique. Alors parmi les slogans imaginés, il y a ce slogan-là. « Vous êtes méprisant et vous n'aimez pas les pauvres, faites un don, il y en aura moins ». Ah, pas mal. Vous voyez, c'est inversé. Ou encore, vous pensez que les femmes doivent rester à la maison ? Bah, faites un don et nous ferons en sorte qu'elles en retrouvent une. Ah oui, d'accord, ouais, c'est très malin. Vous voyez, c'est jouer sur le côté mauvais pour vous inciter à donner. Genre, alors je vous donne deux, trois petites idées. L'objectif derrière ce second degré, c'est faire comprendre que pour une mauvaise raison d'être généreux, il en existe au moins 1000 de bonnes. Et pour appuyer ces propos, l'association est allée jusqu'à lister un millier d'arguments positifs sur le site www.mauvaiseraisondedonner.com qu'on vous postera sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Par exemple, la numéro 4, parce que nous avons permis à 5000 familles de sortir de la précarité en 10 ans. Vous voyez, ces dons servent à quelque chose. Ils ont aidé des familles. Et au-delà de cette campagne décalée, l'association Planète Enfants et Développement œuvre au quotidien pour construire un monde dans lequel les enfants sont protégés de toute forme de violence et d'exploitation. Voilà, on trouvait ça plutôt sympa. On voulait mettre en lumière cette campagne de com et cette association ce matin dans le Double Expresso RTL2. C'est sur la page Facebook de l'émission. Au 3028, on vous offre le transport, l'hébergement et les places pour le concert de Muse. Ce sera le 3 décembre prochain à Londres. Cadeau exceptionnel seulement sur RTL2. Tiens, comme il n'y a pas Justine ce matin, Jérémy, non, toi tu vas réaliser. C'est Jonathan et Max qui vont nous faire l'horoscope. Je ne veux pas non plus tout faire, comme ça c'est pas possible. Quel honneur. C'est gentil. Allez, on y va les garçons, médaille de bronze, les béliers, c'est Max qui commence. Okay. Arrêtez de stresser à la moindre occasion, cela ne sert à rien. Cancer avec Jonathan. Il est temps de vous réconcilier avec vos proches. Les capricornes. Vous dépensez beaucoup d'énergie au travail, levez le pied. Médaille d'argent maintenant avec les taureaux. Vous êtes très drôle aujourd'hui, faites-en profiter votre entourage. Les gémeaux. La chance est décidée à vous sourire en ce moment. C'est un échec malheureusement, Max. On va le refaire. Paf. Les Gémeaux, refais-le. La chance est décidée, mais il y a une faute. La chance est décidée, ça ne va pas. La chance a décidé de vous sourire en ce moment. Voilà les lions. Vous n'avez pas de temps à perdre avec les critiques. Les vierges. Aujourd'hui, votre humeur est au beau fixe. Les scorpions. Votre absence se fait toujours ressentir. C'est bon signe. Les sagittaires. Au travail, vos efforts sont particulièrement remarqués. Les verseaux. Vous avez repris confiance en vous. Votre attitude est positive. Les poissons. Vous êtes d'humeur à gâter vos proches. N'hésitez pas. Et la médaille d'or du jour, c'est pour... Pour les balances. Aujourd'hui, personne n'arrivera à vous contrarier. Vous êtes décidé à passer une excellente journée et c'est tant mieux. C'est là où on s'aperçoit que Justine nous manque. Beaucoup, oui. beaucoup. Ma Juju qu'on embrasse, qui reviendra évidemment lundi. Mon binôme. Ma sœur de bon effet. Mais merci à Jonathan Donnel et Max, notre responsable des réseaux sociaux, pour cet horoscope. Shotgun, c'est Georges Ezra qui arrive. Il y aura également ma chanson du jour avec un retour dans les années 90. Et puis on peut gagner à la banque RTL2 au 32-28 jusqu'à 10 000 euros. Et ce sera à 7h45. Les curieux, c'est le Black Friday Fnac. Dès 17h, profitez d'offres exceptionnelles et en avant-première dans votre magasin Fnac. Une soirée privilège exclusivement réservée à nos adhérents. Fnac, c'est bon d'être curieux. Offre réservée aux détenteurs de la carte Fnac ou Fnac Plus, voire conditions en magasin. Chez Dell aussi, on fête le Black Friday. Professionnels et particuliers, découvrez nos offres spéciales Black Friday sur une sélection de PC Dell, dont certains avec les processeurs Intel Core 8e génération. Profitez dès maintenant des meilleures offres Dell de l'année sur Dell.fr ou contactez nos conseillers Dell. Et ouais, c'est bientôt Noël. Et tu sais quoi? Le forfait 40Go chez Red by SFR, c'est 10 euros par mois. T'aimes bien Noël, toi? Bah ouais. Ah, t'aimes bien Noël? Il y a deux fois plus de monde dans les magasins. Tes repas de famille sont deux fois plus longs et après, tu te sens deux fois plus lourd. Ah! Mais tout qui double ou quoi? Ouais, mais pas chez Red. Le forfait 40Go, c'est 10 euros par mois, sans prix qui double au bout d'un an et sans engagement. Ça, c'est Noël. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Rendez-vous vite sur redbysfr.fr. Le forfait 40Go, c'est 10 euros par mois. Uniquement en France métropolitaine jusqu'au 22 novembre 2018 pour tous nos clients. Chez Corsair, le Crazy Friday, on le voit plutôt teinté d'eau turquoise, de montagnes vertes ou encore de plages dorées. Canada, Côte d'Ivoire, Océan Indien, Antilles et une nouvelle destination, la Floride avec Miami. Rendez-vous vendredi 23 novembre sur Corsair.fr pour découvrir tous nos bons plans. Corsair, voyager, découvrir, partager. La Black Friday Week, c'est maintenant sur Amazon, avec des ventes flash pour toutes vos envies. Pour préparer les fêtes, acheter des cadeaux pour vos proches ou tout simplement pour vous faire plaisir, laissez-vous tenter. Profitez de prix bas et de la livraison gratuite sur des millions d'articles. La Black Friday Week sur Amazon, c'est jusqu'au 26 novembre. Livraison gratuite en France à partir de 25 euros d'achat d'articles éligibles, expédiés par Amazon. Voir les conditions sur Amazon.fr. RTL2. Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Eh ben, dites toujours. Bon, ok. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah, pourquoi ça? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œufs. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, évitez de grignoter. Tu te rends compte? C'est pas un jour, c'est pas deux jours, c'est pas trois jours, c'est... C'est toute la semaine, la Black Friday Week chez Saint-Maclou. Et si nous avons décidé de prolonger le plaisir, c'est pour que vous ayez le temps de profiter de 20% de réduction sur tout le magasin. Oui, 20% sur les parquets, vinyle, tapis, papier peint. Le genre d'offre qui n'arrive pas tous les jours, mais toute la semaine. Saint-Maclou, on fait tout pour que ce soit beau chez vous. Offre valable jusqu'au 26 novembre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Black Friday Week, semaine du vendredi noir. Le Black Friday Peugeot, ça n'attend pas. Quand un événement aussi exceptionnel a lieu une fois par an à côté de chez vous, il ne faut pas le manquer. Grâce au Black Friday, repartez immédiatement au volant d'une Peugeot neuve au design affirmé. Alors ne laissez pas passer ce rendez-vous unique avec votre future nouvelle voiture. Profitez des offres exceptionnelles du Black Friday Peugeot jusqu'à samedi sur des véhicules neufs disponibles immédiatement dans le réseau Peugeot. Détails sur peugeotwebstore.com. Boulanger. Le match commence dans moins d'une minute, j'ai trop hâte. Ah ouais, moi aussi. Vas-y, allume l'ordi. Ça va, on a le temps. L'ultra portable Acer Swift 3 SF314 s'allume en quelques secondes. Commandez-le en ligne, il est prêt en une heure en magasin. Boulanger, si bien ensemble. L'Acer Swift 3 SF314 14 pouces avec processeur Intel Core i5 est à 599€ chez Boulanger. 36 centimes d'éco-participation. Conditions en magasin et sur boulanger.com. Bonjour et bienvenue.

There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Georges Ezra dans le double expresso RTL2, c'était Shotgun. RTL2, la chanson du jour. Ah, je revis. Je revis 7h36, je repars vers mes 16 piges. Voilà, ah. C'était les années 90, le rock, Nirvana, Guns N' Roses, les cheveux gras. Mais on avait le droit d'avoir les cheveux gras parce qu'on était jeunes, les jeans troués, les guitares, tout ça. Bon, et bien ce matin, c'est un groupe de heavy metal et de hard rock américain. Ne fuyez pas, c'est pas du heavy metal et du hard rock que je vous proposais. Le groupe en a fait, mais la chanson n'en est pas. C'est le groupe Ugly Kid Joe. Alors ils avaient fait Cat in the Cradle et puis cette chanson dont on va parler qui s'appelle Everything About You. C'est une chanson qui était sortie en 91. La chanson marche pas très bien et puis elle se retrouve sur la bande originale du film culte Wayne's World. Ah, avec Mike Myers. Vous connaissez Wayne's World. Bien sûr. Et là forcément devant le succès du film, la chanson prend son envol et il la récupère pour la mettre sur leur premier album en 92 qui s'appelle America Least Wanted. Et donc forcément si elle est sur la BO de Wayne's World, vous la connaissez. Cette chanson nous parle de choses que le chanteur n'aime pas faire ou qu'il n'aime pas du tout. La météo, la famille et tout ce qui concerne sa petite amie. Il le dit, il l'aime pas et il le chante. D'accord. C'est plutôt très drôle, c'est du rock un peu sombre des années 90 et c'est surtout très très bien. Voici Ugly Kid Joe. Everything About You sur RTL2. Is this some sort of hip music that I don't understand? Yeah. C'est bon ça, you. Ugly Kid Joe, everything about you. Oh, j'avais de l'acné, un contrôle de maths. Bravo, impeccable. 7h41 dans quelques secondes. Zadie, Speed pour le son pop rock d'RTL2. Et puis le 32-28 ou banque au 74-900 parce qu'on va jouer ensemble pour vous offrir des MacBook Air, des smartphones, des voyages et gagner jusqu'à 10 000 euros. C'est la banque RTL2. À tout de suite. Incroyable, c'est déjà Black Friday chez Nocibé avec des offres fabuleuses toute la semaine. Aujourd'hui seulement, deux ventes flash à moins 40%. L'eau de toilette Wanty Dazzaro 100 ml et le fond de teint Idol de Lancôme. Oui, moins 40%. Dépêchez-vous et à demain pour deux nouvelles offres exceptionnelles chez Nocibé. Nocibé, la beauté libérée. Dans la limite des stocks disponibles, détails en magasin et sur nocibé.fr. Tu penses quoi de ma cuisine? J'aime beaucoup. Tous ces rangements, c'est super pratique et tellement bien organisé. Et puis la couleur, oh, j'adore. Oh, bah c'est sympa, merci. Mais je te parlais de mon gratin de chou-fleur aux tripes. Ah oui, ça. Oh, surprenant. Tous les ingrédients de la cuisine de vos rêves sont chez Ikea et toujours à prix bas. Comme le nouveau four à air pulsé Anreta à 399 euros. Et en plus, il est garanti 5 ans gratuitement. Rendez-vous vite dans votre magasin ou sur Ikea.fr. Ikea. La Black Friday Week, c'est maintenant sur Amazon, avec des ventes flash pour toutes vos envies. Pour préparer les fêtes, acheter des cadeaux pour vos proches ou tout simplement pour vous faire plaisir, laissez-vous tenter. Profitez de prix bas et de la livraison gratuite sur des millions d'articles. La Black Friday Week sur Amazon, c'est jusqu'au 26 novembre. Livraison gratuite en France à partir de 25 euros d'achat d'articles éligibles, expédiés par Amazon. Voir les conditions sur amazon.fr. Le son pop rock RTL2 à tout moment avec vous, avec l'appli RTL2. Take a drink of Evelyn's and turn around. matins de 6h à 9h, c'est le double expresso RTL2. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, sous tes airs d'ours mal léchés, tu vibres encore, tu vibres encore. Allez debout, allez sors, je te sens battre au fond de moi. T'es pas tout neuf, mais pas si vieux. Non, t'es flambant vieux. Et tu speedes encore. Oui, tu speedes encore. Réveille-toi, fais pas le mort. L'univers ne s'arrête pas parce qu'on a plus. Sur RTL2, il est 7h49. C'est l'heure de la banque RTL2. Bah, c'est surtout l'heure d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Grégory. Et Isabelle en suit une autre, hein, puisqu'Isabelle. Enfin, Zazie s'appelle aussi Isabelle, voilà. Et je suis fan. Ah bah oui, c'est vrai que c'est son vrai prénom, Zazie. Mais vous, hey, dis donc, vous pourriez faire animatrice radio, là, comme ça, ah, les enchaînements. Franchement, c'est un vieux rêve. Alors, c'est un vrai vieux rêve, oui. Ouais. Mais je sais pas s'ils ont pas encore les cinquantenaires dans la radio. Voilà, mais on peut prendre tous les âges. Et attendez, vous plaisantez. C'est attendez, vrai c'est un de vos rêves. Bah, alors, je sais pas, on peut imaginer que c'est vous qui m'accueillez. On va inverser. Là, qu'est-ce que. Alors, regardez, hop, la chanson. Alors, vous désannoncez Zazie. Donc, vous dites que Zazie se termine. Et puis après, vous m'accueillez pour jouer à la banque RTL2. Allez-y. Alors, on vient d'écouter Zazie avec Speed. Donc, on accueille ce matin un gentil garçon qui s'appelle Grégory. Il va jouer avec nous à la banque. Bonjour Isabelle, comment ça va? Bah, ça va et vous? Alors, vous êtes dans quelle branche? Bah, écoutez, moi je suis animateur sur une station locale. Je démarre comme ça, j'essaye de réussir mon truc. Mais je suis un peu ému d'être avec vous, vous voyez, parce que j'ai entendu la semaine dernière que ça avait gagné jusqu'à 10 000 euros. Donc, du coup, bah, je trouve ça un peu. Wow, mais ça c'est la chance. Enfin, franchement, la chance est à votre portée. Je pense qu'il y a moyen. Bon, bah, écoutez, Isabelle, vous êtes engagée. Bravo! Bravo! Oh, cool! Je suis nous. Allez, on y va. Peut-être 10 000 euros des super ordinateurs, des MacBook Air, des smartphones, des voyages, top chrono gare au coffre vide, c'est la banque, coffre 1. Un lecteur DVD. Bah je passe. Bon oui, coffre 2. Un stylo 4 couleurs. On va passer ? Je passe aussi. Oui, coffre 3. 500 euros à dépenser sur placedestendances.com. De quoi faire des paniers et les valider ? Je passe aussi. Vous êtes sûr ? Oui. Coffre 4, 38 secondes. Un MacBook Air. Waouh, le MacBook Air. Ah bah je prends ça. Je prends ça. Ah bah attendez, il y a peut-être mieux derrière. Ah. Il y a peut-être. Là, attention. Non, ça c'est dur ça. Il y a peut-être moins bien. C'est ça exactement. Bah moi j'ai. Mais il y a peut-être comment mieux. Comment dire, tenir le. Plutôt que la proie de l'ombre, enfin quelque chose dans ce goût-là. Je sais pas, je suis perdu. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, mais en tout cas, je pense on que le prend. Je vais garder les bras. Ouais. Merci beaucoup. Je suis ravie. Le MacBook Air, le dernier ordinateur évidemment de Apple, 1299 euros. Quand même, c'est gagné, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant? 800 euros. Il y avait du cash. Mais... Bon, écoutez, c'est pas très grave. Ah bah je suis pas, c'est mieux. Très, 500 euros de plus en cadeau. On vous embrasse. Exactement. On vous souhaite une bonne journée. Et qu'est-ce merci qu'on vous sert vous. Sur RTL2, jeune animatrice Un double extrait. Merci beaucoup.